D'un point de vue historique, alors ce qu'on peut dire, c'est assez intéressant d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure avec madame du rapport de la corruption avec la démocratie. Moi, je pense que ce rapport-là, il est consubstantiel. Historiquement, d'ailleurs, c'est tout à fait déterminant, puisque le mot acquiert une connotation pénale à partir du premier code révolutionnaire, le code de 1791, le premier code pénal issu de la Révolution. La corruption devient une infraction. Ça n'existait pas avant. Il y avait des phénomènes aussi de corruption. Ils étaient appréhendés par d'autres types d'infractions. Mais le mot même n'avait pas une connotation pénale. Et on considérait que la corruption, ça renvoyait tout simplement au régime politique. La corruption de la République, la corruption des auteurs comme Aristote, comme Montesquieu, etc. Ils parlent de corruption, mais dans un sens politique. Petit à petit, le mot même sort de son contexte politique pour devenir un mot qui appartient au droit pénal. On va voir que ça va s'enraciner et que d'ailleurs, dans toutes les étapes de consolidation, de construction de la République, vous allez avoir un renforcement de ce qu'on pourrait appeler la lutte contre la corruption au sens large. 1889, vous avez, à l'occasion encore d'un grand scandale de corruption, le trafic de décorations. On voit que ça a continué d'inspirer certains politiques. Vous avez la création du trafic d'influence, qui n'est pas directement la corruption, mais qui est en quelque sorte le fait d'abuser de son influence réelle ou supposée, nous dit le code pénal. Donc on ne peut pas forcément relier à un agent public l'avantage qui va être perçu l'acte de la fonction a un avantage qui est perçu par cet agent public, mais un tiers va servir en quelque sorte de médiateur et se propose lui de monnayer son influence. Ce schéma-là est appréhendé à partir de 1889. Il y avait un vide juridique. 1919, à l'occasion aussi de quelques débordements qu'on a pu constater pendant la guerre, est créé le premier élément de corruption privée. Corruption privée, ça signifie une corruption qui n'implique pas un agent public et qui est par exemple la corruption qui peut exister dans le cas de grandes entreprises. 1936, là encore à l'issue d'un vaste scandale qui aura ébranlé aussi la République, l'affaire Stavisky, on va créer l'infraction d'abus de biens sociaux qui va avoir, je n'ai pu le dire, mais beaucoup d'importance dans la lutte contre la corruption puisque ça sera un moyen souvent de contourner les difficultés de preuve liées à la définition que j'ai rappelée. Seul incident de parcours finalement dans la construction de la République, seul moment où on va diminuer les peines en matière de corruption, 1943. Ça tombe bien, c'est pas vraiment la République, c'est le gouvernement de Vichy qui fait passer l'infraction de la catégorie de crime, la plus grave dans notre code pénal, à la catégorie des délits et réduit toutes les peines liées à la corruption. Assez étonnamment, ça sera une des rares lois de Vichy qui sera conservée à la Libération. Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 en tout, elle en fait partie. Ensuite, nouvelle série d'infractions et création, par exemple, du délit qu'on appelle le favoritisme dans les marchés publics. En 1993, là encore, la toile de fond, c'est la série de scandales politiques qui ont émaillé les financements politiques, les financements des partis politiques. 2000, enfin, dernière grande étape, et ça me permet d'embrayer sur ce mouvement d'internationalisation, création de l'infraction de corruption internationale. Ce qu'il faut savoir, qu'avant cette date, vous n'aviez pas d'infraction de corruption d'agents publics étrangers en France. Autrement dit, quand une société française rémunérait contre, mettons, un marché public, un homme politique national, elle risquait, et les personnes qui s'y risquaient, pouvaient être condamnées à des peines très lourdes, 10 années d'emprisonnement. Lorsque les mêmes faits avaient lieu pour un agent public d'un autre pays, alors là, non seulement c'était pas punissable, mais en plus, vous pouviez déduire ça des impôts. Il y avait un bureau à Bercy, qu'on appelait le confessionnal, et où les sociétés allaient régulièrement déclarer combien elles avaient versé à tel ou tel agent public étranger. Changement de braquet brutal en 2000. Non seulement avant, donc c'était pas punissable, et en plus c'était déductible des impôts. Désormais, c'est plus déductible des impôts, et en plus, vous risquez 10 ans de prison pour ça. C'est assez étonnant. Mais la France ne s'y est pas conformée d'elle-même. C'est tout simplement parce qu'elle a adopté des conventions internationales qui proscrivent cette corruption d'agents publics étrangers sous impulsion notamment des Américains. Au niveau mondial, l'état de la corruption, alors il nous est donné en partie par cet indice qui est très intéressant, créé d'ailleurs, c'est assez emblématique, non pas par des chercheurs, mais par une organisation de la société civile, Transparency International, et qui permet de situer à peu près, quand même assez fidèlement, où se situent les pays sur cette question de la corruption. Non seulement ça permet de les situer, mais ça permet aussi, puisque les données sont disponibles au fil des années, de voir l'évolution des pays. Et là, je voulais insister sur une chose importante, je le dirai un peu après, mais ça nous apprend aussi un certain nombre de choses, de suivre l'évolution des pays. Alors les zones les plus corrompues, vous voyez, c'est essentiellement une bonne partie de l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, moins vers l'Afrique du Sud, une bonne partie de l'Asie et évidemment la Russie. Les zones les moins corrompues, on le sait, alors les pays qui caracolent en tête de ces classements internationaux, c'est un peu toujours les mêmes, c'est Norvège, Suède, Danemark, Allemagne aussi d'ailleurs, et également Nouvelle-Zélande. Ça, c'est une courbe qui est intéressante pour une chose, c'est que ça montre un lien qui est très très fort, puisque vous avez en bas où se situent ces pays finalement sur l'échelle de la corruption, et vous avez à gauche tout simplement le niveau de développement du pays. Et vous apercevez que, comment dire, en quelque sorte, l'un ne va pas sans l'autre, vous n'avez pas de développement véritable des pays sans contrôle de la corruption. Au niveau de l'Europe, alors ça c'était une carte intéressante qui date déjà de quelques années, mais qui montre à peu près les écarts qui existent au sein même parfois de l'Union européenne. Vous avez vraiment trois catégories. Vous avez en quelque sorte des pays qui sont arrivés à un niveau de contrôle de la corruption assez satisfaisant. Vous avez des pays dans lesquels il y a une zone grise, un peu de trouble, dont fait partie la France. Et puis vous avez des pays qui présentent quand même une corruption assez endémique, qui a des conséquences politiques parfois extrêmes. L'Ukraine n'était pas dans ce pays-là, dans ces couleurs, mais on a vu ce que ça a pu donner depuis avec l'Ukraine. Oui, juste revenir sur l'indice de perception donc, par rapport à la réalité. Enfin, c'est des données qui sont basées sur l'indice de Transparency International. C'est un indice de perception de la corruption dans la simple mesure que nous n'avons aucun moyen scientifique de déterminer quelle est l'ampleur réelle de la corruption. Comment arriver à percevoir ce continent noir, si ce n'est par une batterie finalement de tests, de sondages qui nous permettent de voir où les pays peuvent se situer. Donc c'est un indice de perception effectivement, mais qui repose pas seulement sur la perception du public, mais aussi la perception des milieux économiques, des milieux notamment d'État et autres. Donc qui permet de quand même se situer. Voilà. Chose intéressante, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ce que nous apprend aussi ces classements, quand on les regarde, on voit l'évolution des pays à travers le temps, ça permet de dire quand même une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la corruption. C'est-à-dire que vous avez des pays qui vont s'enferrer dans la corruption, où le climat va se dégrader. C'est le cas d'ailleurs, si vous regardez à gauche, c'est le cas de l'Italie, du Portugal, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la France. Et puis vous avez des pays, au contraire, qui arrivent à progresser très fortement sur ce terrain-là, notamment la Pologne, qui partait de très loin et qui aujourd'hui est un pays beaucoup moins corrompu que la Roumanie ou la Bulgarie, qui se situait à peu près au même niveau il y a quelques années. Donc on peut faire quelque chose, et d'ailleurs le problème, on en parlait tout à l'heure, mais le problème n'est pas tant scientifique, savoir quels sont les objets, quels sont les outils qu'on doit mettre en œuvre, les politiques qu'on doit mettre en œuvre, que politique, une volonté réelle de les mettre en œuvre. Ce qui me permet de faire ma transition aussi avec la deuxième sous-partie, cette montée des inquiétudes de l'opinion publique. Alors là, pour les pays où la corruption n'est pas jugulée, ce qu'on constate, c'est presque le premier effet constatable, objectif, avec la question de la corruption, c'est la montée de ce qu'on appelle un sentiment de défiance collectif envers les institutions et particulièrement envers les partis, le gouvernement et les dirigeants politiques. Alors là, une série d'éléments qui sont issus de sondages que j'ai pris dans les deux, trois dernières années. Une première question. Alors celui-là, c'était un sondage, je crois, de mai 2015, donc tout récent. C'est une série en fait d'études Ipsos qui sont publiées régulièrement tous les ans ou tous les deux ans. Je crois qu'ils en sont à la troisième vague, sur les perceptions de la corruption politique. On s'aperçoit que vous avez quand même une part significative des Français, 66%, qui considèrent que la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. 66%. Je crois que c'est assez colossal, parce que ça traduit finalement un état d'esprit généralisé. On ne fait plus dans la nuance. C'est la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Ce n'est pas simplement la corruption est un problème grave. Ça, on a plus de 80% des Français qui le disent. Ce n'est pas simplement la corruption est répandue. C'est la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Et ce qui est notable aussi par rapport à 2013, c'est la forte progression, plus 4% de ce chiffre. Alors, c'est assez corrélatif, c'est pour ça que j'ai gardé ce slide, avec le système démocratique fonctionne plutôt bien ou au contraire, le système démocratique fonctionne plutôt mal. Et là encore, vous avez une forte progression, 76% des gens qui disent le système politique fonctionne mal, en forte progression par rapport à 2013. Quant à la question de savoir si les hommes politiques et femmes politiques agissent principalement pour l'intérêt des Français ou non, là aussi, 86% plus 4 considèrent que les hommes politiques et femmes politiques agissent principalement en vue de leurs intérêts particuliers. Et ça, ça en dit long aussi sur l'état de délabrement de la confiance publique. Autre élément, mais disons, je voulais y faire référence, puisque c'est le sondage Eurobaromètre. Cette fois, vous n'avez pas un institut de sondage, mais vous avez des études qui sont plus systématiques, qui sont effectuées tous les 2 ans par l'Union européenne, sur tous les pays membres. Et là aussi, vous avez des résultats assez alarmants. Vous voyez dans ce schéma à droite que la plupart des gens considèrent que la corruption, à un niveau d'ailleurs assez écrasant, en France et dans l'Union européenne d'ailleurs, considèrent que la corruption soit stagne, au moins le problème est resté au même niveau, voire augmente. Donc on ne serait pas vraiment en phase d'amélioration de la situation. Quand on regarde les choses en France d'un point de vue historique, là aussi, c'est assez révélateur de l'écart qui se creuse. Donc diriez-vous qu'en règle générale, les élus et dirigeants politiques sont plutôt honnêtes ou plutôt corrompus ? En haut, c'est plutôt corrompu, en bas, plutôt honnête. Quand vous regardez dans l'histoire, vous avez aussi le sentiment que le problème devient particulièrement saillant. Voilà. Et encore, les données s'arrêtent en 2011. Si on avait continué la courbe, je crois qu'on aurait pu continuer à creuser. Cette crise de confiance se traduit de différentes manières, dont cette question qui me paraissait aussi intéressante, issue d'un autre sondage de décembre 2014. Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d'abord ? Alors, les Français répondent de la méfiance, en augmentation, du dégoût et de l'ennui. C'est ce qui traduit aussi, là encore, un sentiment de dégradation, quand même assez général. Un autre exemple, c'était un sondage intéressant, puisqu'il nous permettait d'avoir peut-être quelques données sur les conséquences que cette perception, cette forme de dégoût et cette méfiance envers la classe politique pouvait entraîner sur le vote. Et c'était donc juste avant les présidentielles, en octobre 2011, on posait la question, les affaires sont susceptibles, selon vous, de peser sur votre choix au moment du vote ou de vous amener à vous abstenir. Et on s'aperçoit que ça pèse sur le choix au moment du vote pour 44% des sondés et ça les entraînerait plutôt à s'abstenir pour 78%. Autrement dit, ça va avoir une incidence quand même, ce climat général sur le vote. Et la plus grande incidence est finalement sur l'abstention. Ça favorise l'abstention. Ce qui, elle-même, abstention, qui favorise aussi la continuation du problème. Autre exemple de conséquence sur l'électorat, ça c'est un sondage plus récent, mais lorsqu'on demandait aux personnes quelle est la formation politique qui, selon vous, est la mieux à même de lutter contre la fraude fiscale, la corruption, le détournement de fonds publics, la première réponse de loin, c'est aucune des formations politiques, tout en bas, 46%. Et la deuxième réponse, très loin devant toutes les autres formations politiques, c'est le Front National. Donc très clairement, ces affaires, cette corruption qui s'étale à longueur de page des journaux et magazines, ça fait monter l'abstention et le Front National. Je crois qu'on peut le dire assez clairement. Alors va-t-on vers une crise du régime démocratique ? Là aussi, ce qu'on apprend à l'issue de ces sondages d'opinion, ce serait plutôt qu'effectivement, la relation est plutôt dans ce sens-là. On voit que ceux qui considèrent que la démocratie fonctionne mal, je crois que c'est justement. Donc la question, diriez-vous qu'en France, la démocratie fonctionne très bien, assez bien, pas très bien ou pas bien du tout? La courbe du haut, c'est ceux qui considèrent que ça fonctionne plutôt pas très bien ou pas bien du tout. Donc on voit quand même l'augmentation dans l'opinion de cette forme de défiance ou de rejet de la démocratie en tant que régime politique. Là, ça c'était aussi assez intéressant puisque c'était un élément qui nous permet de dire en quelque sorte quelles sont les valeurs qui sont le plus attendues chez les femmes et les hommes politiques. Et là, finalement, pas de surprise, mais bon, on pouvait s'y attendre, c'est quand même intéressant de le voir. Ce que les personnes sondées répondent en premier, c'est les convictions pour les idées et causes qu'ils défendent, le sens de l'intérêt général, le sérieux et le réalisme dans les affaires, et en cinquième position, alors chose assez étonnante d'ailleurs, c'est leur désintérêt pour l'argent et pour les carrières du secteur privé. Dernier ou avant-dernier sondage, c'était un sondage OpinionWay de novembre 2014. Là, c'était sur les mesures, en quelque sorte, qui étaient attendues par l'opinion publique. Lorsqu'on interrogeait les personnes sur le fait de savoir si l'inéligibilité, quelle était la durée dont l'inéligibilité devait être revêtue en cas de corruption, fraude fiscale ou détournement de fonds publics. Alors c'est la zone en rouge. Vous voyez qu'il y a une écrasante majorité qui considère que cette inéligibilité doit être perpétuelle. Ce qui est très loin de la situation et du droit français, puisque cette inéligibilité a été augmentée à l'issue du scandale Cahuzac. Elle a été portée à 10 ans. Vous voyez, les Français ont un jugement assez sévère, finalement. En tout cas, c'est ce que nous laissent imaginer ces sondages. Deuxième partie, sur les déterminants de la corruption. Alors là, c'est des données qui sont plutôt issues, mais puisque c'était un peu l'actualité, je voulais aussi parler de ça. Ce n'est pas directement ce que vous allez retrouver dans le livre, mais c'est issu de mes recherches les plus récentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire quand on se pose la question ? Comment se fait-il finalement que cette question de la corruption se surajoute à finalement celle de l'augmentation des richesses individuelles, des inégalités et du niveau de fortune des personnes? Comment se fait-il que des personnes en quelque sorte déjà riches, déjà puissantes, déjà influentes, qui aboutissent à une forme de reconnaissance sociale évidente, puissent encore se laisser corrompre à prix d'argent? C'est assez étonnant, on peut se poser peut-être cette question-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que des données, qui ne sont pas des données françaises malheureusement, mais on peut rêver qu'un jour les chercheurs français se préoccuperont de ces aspects-là, mais nous permettent d'amorcer une forme de réponse à ces questions. Ah oui, j'avais mis ça pour introduire la question. C'était issu du même sondage Ipsos de mai 2015. Et c'était une réponse à la question sur l'adhésion, sur les affirmations sur l'argent. Donc quand on posait la question aux Français, l'argent a corrompu les valeurs traditionnelles de la société française, vous aviez une écrasante majorité de Français qui étaient plutôt d'accord avec 82%, plutôt d'accord avec ça. Et lorsque vous leur demandez, mais est-ce que c'est bien de gagner beaucoup d'argent, vous aviez aussi 71% qui disent oui. Donc ça montre l'ambiguïté du rapport à l'argent, finalement, qui traverse nos sociétés, dont la société française, évidemment, parmi d'autres. Alors, sur cette question-là, je voulais faire un préalable sur les données qui étaient disponibles en termes de théorie criminologique. Et là, nous avons des chercheurs qui, aux États-Unis notamment, se sont penchés sur cette question-là dès les années 20 et les années 30. Et un des plus éminents d'entre eux, Robert Merton, qui est un grand nom de la sociologie et de la criminologie, un des pères fondateurs d'ailleurs de la criminologie, avait imaginé ce qu'on appelle la théorie de la tension, dans laquelle il expliquait, c'était dans un article d'ailleurs de 1938, publié en 1938. Donc il expliquait qu'en quelque sorte, l'accent culturel extrême qui était mis dans la société américaine sur l'enrichissement, sur l'argent et sur l'acquisition d'argent, produisait chez les individus une forme de tension interne qui parfois était insurmontable entre le but affiché par la société et les moyens légitimes qui étaient à la disposition des individus pour y parvenir. Cet écart entre les moyens qu'offrait la société et le but qui était si omniprésent, c'est cette théorie de l'attention, et ça produisait des comportements déviants. Et il expliquait d'ailleurs que dans ce cadre-là, la corruption ou d'autres infractions, d'autres séries d'infractions, pouvaient résulter finalement d'une conséquence normale de cet écart entre cet accent culturel, comme il le disait lui-même, et cette demande sociale en faveur de l'enrichissement individuel et les moyens dont disposaient les individus pour y parvenir. Alors j'avais souligné cette phrase-là en particulier, je vous la lis puisque on y est, c'est issu du même article d'octobre 1938, « L'accent culturel extrême placé sur l'enrichissement individuel en tant que symbole du succès dans nos sociétés agit contre le contrôle effectif, complet, régulé institutionnellement des modes d'acquisition de la fortune, les fraudes, corruptions, vices, crimes, bref, l'entier catalogue des comportements interdits devient excessivement commun. » Donc c'était assez intéressant puisque dès 1938, finalement, Robert Merton soulignait que, en quelque sorte, une forme de substrat culturel lié à ces sociétés capitalistes avancées pouvait entraîner une hausse considérable de comportements liés à l'argent, c'est-à-dire les fraudes notamment et la corruption.